au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck Ferrand reçoit une grande dame du spectacle pour parler d'une grande dame de la littérature. Parce qu'aujourd'hui est un grand jour et au nom de toute l'équipe d'Au cœur de l'histoire, Franck, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. C'est adorable. Bonjour Franck. Merci beaucoup chère Anissa, bonjour à tous. Je serais tenté de dire aussi, et plutôt que je reçois une amoureuse de la vie pour en évoquer une autre, Macha Merrill est en effet mon invitée. Et en sa compagnie, nous allons parler de Madame Colette. Je vais commencer par vous raconter l'enfance de Colette et puis son adolescence et sa jeunesse. Avant de revenir avec Macha sur la femme faite, si je puis dire. Et nous irons sur sa région de prédilection. Oui, cette Bourgogne qu'elle a si bien décrite, et notamment son village de Saint-Sauveur en Puisaye, où nous nous rendrons à la fin de cette heure que j'espère poétique, inspirée, je dirais même élégiaque. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Pour ceux qui l'ont connue, Madame Colette, c'était d'abord un accent rocailleux qui roulait joliment les airs. Pour nous aujourd'hui, c'est d'abord peut-être un style d'écriture, style de vie aussi, car plus le temps passe et plus le personnage nous intéresse presque autant, sinon davantage même que l'écrivain, journaliste, critique de théâtre, publicitaire, elle a tout été. Comédienne, mime, animatrice d'émissions de radio, marchande de produits de beauté, mais oui, Colette a été tout cela, et surtout, peut-être avant tout cela, elle a été libre. Une liberté qui l'a menée au sommet. Elle est devenue l'un des grands écrivains du siècle à travers une soixantaine d'ouvrages. Alors, il y a les célèbres, bien sûr, la série des Claudine, La Vagabonde, Chérie, Le Blé en Herbe, Sido, La Chatte, etc. Et puis, il y a tous les autres. 2000 articles, et même davantage probablement, une interminable correspondance tenue pendant plus d'un demi-siècle. Libre, Colette, dans ses écrits, libre aussi dans sa vie personnelle. On se souvient d'elle aujourd'hui comme d'une des femmes à scandale de la belle époque, avec ses amours tumultueuses. Mais aussi, et c'est vrai qu'elle a laissé l'image de la vieille dame tellement respectée du palais royal. Alors que la maison natale de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye vient de rouvrir ses portes, elle a rouvert au public en mai dernier, nous aurons d'ailleurs tout à l'heure au téléphone le directeur de cette maison, nous allons revenir en attendant, si vous le voulez, sur l'autre Colette, celle qu'on connaît un petit peu moins, la jeune, l'enfant, l'adolescente, Colette, la sauvage, la secrète, la paysanne aussi amoureuse des animaux et de la nature, qui était née donc à Saint-Sauveur-en-Puisaye, où elle va grandir en 1873. Saint-Sauveur, c'est dans l'Yonne, bien entendu. Elle est née dans une vieille maison à perron double, écrira-t-elle, noircie, à grandes fenêtres et sans grâce, une maison bourgeoise de vieux village. C'est ainsi qu'elle décrit la demeure dans la maison de Claudine. 16 ans plus tôt, il faut vous dire qu'une jeune femme venue de Bruxelles est arrivée dans ce village qu'elle ne connaît pas. La jeune femme s'appelle Adèle Sidonie. Adèle Sidonie Landois. Elle est accompagnée d'un homme qu'elle a rencontré pas très longtemps avant et qui est devenu son époux. Il s'agit, en tout cas Adèle Sidonie, est la mère de Colette, celle qu'on va appeler plus tard Sido. Les nouveaux mariés s'installent donc dans cette vieille maison de Saint-Sauveur. Sido est très vite malheureuse auprès de ce mari, Jules-Joseph Robineau Duclos, qu'elle a jamais aimé. Il faut vous dire déjà qu'il est particulièrement laid. Dans le village, on le surnomme le singe. Ça vous donne une idée quand même. Mais non seulement il est laid, mais il est alcoolique. Ce qui fait qu'il est souvent violent, ça n'empêche pas d'être fortuné. Et oui, c'est un assez riche propriétaire. Le couple si mal assorti va avoir un premier enfant en 1860, Juliette, et très vite, Sido tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Le mystérieux nouveau venu à Saint-Sauveur est un capitaine, le capitaine Jules Colette. Il a été capitaine au 1er régiment de Zouave. Il est unijambiste parce qu'il a perdu, figurez-vous, une jambe pendant la campagne d'Italie. Vous savez, la grande guerre que Napoléon III a menée contre l'Autriche. Il a perdu sa jambe à Melegnano, Marignan, si vous préférez, en 1859. Ça ne s'invente pas. Ça ne l'empêche pas d'être resté très séduisant. Il a 31 ans quand Adèle n'en a que 25. Et quelques mois plus tard, donc en 1863, Adèle Sidonie va accoucher d'un deuxième enfant, Achille, est là, dans Saint-Sauveur. Ça y est, la rumeur s'installe et court. On dit que cet enfant n'est pas de Robineau, qu'il est de Jules Colette. Quelques années plus tard, en 65, Robineau Duclos vient à mourir brutalement. J'allais dire, c'est une aubaine. On peut penser qu'il succombe à ses excès d'alcool. Hein. Et 11 mois plus tard, Sido est libre d'épouser le capitaine Colette. C'est ainsi que va donc naître, le 28 janvier 1873, la petite Sidonie Gabrielle, qu'on va appeler Gabri chez elle. On l'appelle la petite aussi, ou Minet chérie. Vous savez, elle en fera toute une affaire de ce surnom. Et puis, plus tard, elle se fera appeler elle-même de son nom, Colette. Voilà ce qu'elle dit dans le fanal bleu, dans la chambre que l'on ne parvenait jamais à rendre assez chaude. Je naissais péniblement le 28 janvier 1873 et je donnais beaucoup de mal à ma mère en travail. La maison, c'est le havre de paix où jouent les enfants. Colette jouit de la protection maternelle qui l'entoure. Sa mère lui donne, je vous ai dit, des petits surnoms affectueux. Elle l'appelle mon bijou tout en or, vous imaginez. Et dans un texte du journal Le Matin, où elle sera plus tard la plus célèbre des chroniqueuses, un texte de 1911, voilà ce que nous dit Colette de son enfance. « Je ne bouge pas de peur de dissoudre le mirage provincial qui monte de mon passé. Un salon fané où la pendule de marbre blanc marque minuit entre deux bouquets de houx. Il y a partout le chaud désordre d'une maison heureuse, livrée aux enfants et aux bêtes tendres. Et j'entends comme autrefois la jeune voix maternelle, beauté, mon soleil rayonnant, mon bijou tout en or. Il est tard, va vite dormir. » Sido, vous l'aurez compris, aura couvert sa fille d'amour. Lorsque la petite entre dans une pièce où elle se tient, elle a l'habitude de lui dire que la pièce devient plus claire et s'illumine. C'est pas beau ça? Qu'on comprend ensuite le parcours d'une Colette, forcément. Cet amour infaillible que lui porte sa mère a peut-être été, peut-être même un peu excessif, envahissant d'une certaine manière. Les Colettes sont une famille de musiciens, ce qui fait que la petite fille apprend le piano, éducation, tout ce qu'il y a de plus laïque. En 1879, à 6 ans, Colette entre à l'école primaire de Saint-Sauveur en Puisée, où elle apprend à lire et à écrire. Alors, c'est le moins qu'on puisse dire qu'elle ait appris à écrire. Elle a très bien écrit d'ailleurs cette école délabrée dans Claudine à l'école, ce vieux bâtiment compliqué dans lequel on ne savait jamais si on se trouvait chez les instituteurs ou bien chez nous, dit-elle. C'est pas beau ça? À 12 ans, elle obtient le deuxième prix d'un concours de lecture. Elle lit à voix haute Le feu du prisonnier de Béranger. Elle lit aussi une lettre de Voltaire et plus tard elle affirmera « Je n'étais pas un phénomène, j'étais une petite fille sans éclat, une petite fille comme les autres. » Pourtant, si Colette dit avoir été une petite fille comme les autres, la famille Colette est un sujet inépuisable de conversation pour les villageois qui trouvent ces gens décidément bien différents. Un phénomène qui va s'accentuer encore avec les difficultés financières des Colettes qui ont tendance à vivre, il faut vous dire, nettement au-dessus de leurs moyens. Le capitaine est un panier percé, il dilapide peu à peu la fortune dont Sido avait hérité de son premier mari. À tel point que la famille va se retrouver au bord de la ruine et qu'on se demande chez les Colettes si on va pouvoir rester longtemps dans cette belle demeure, si chaude, si douce et si lumineuse. De la sonate au clair de lune de Debussy sur Europe 1. Restez avec nous, on vous parle de Colette cet après-midi. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser, Franck. Vous évoquez l'enfance de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans l'Yonne. Et je me demandais si cette période de sa vie, Colette l'avait évoquée dans ses romans. Oui, alors, mais justement, il faut toujours faire attention, vous savez, parce que l'enfance de Colette, on ne l'aperçoit qu'à travers ce qu'elle a bien voulu en dire et en recréer dans ses romans, précisément. Dans Claudine à l'école, je vous le disais, dans la maison de Claudine, Sido, bien sûr, le journal à rebours aussi. aussi En pays connu, qui est un livre absolument merveilleux. Et évidemment, la mémoire est un peu déformante. D'ailleurs, Colette elle-même écrira « Si un enfant pouvait raconter pendant qu'il la traverse sa véritable enfance, son récit ne serait peut-être que drames intimes et déceptions, mais il n'écrit qu'en son âge adulte. Cependant, il croit garder intacts les souvenirs de son enfance. » Je me méfie, disait-elle, même des miens. Et je crois que c'était assez juste. C'est dans Belle Saison, ce joli texte. S'il y a un souvenir qui n'a pas été altéré, en tout cas dans la mémoire de Colette, c'est bien celui du déménagement de la famille. Famille ruinée, qui, en 1891, est bien contrainte de la vendre, cette maison de Saint-Sauveur, pour aller s'installer dans une autre plus petite à Châtillon-sur-Loing. La jeune fille est déjà quand même une jeune fille, justement. Elle vit ce déménagement comme un véritable déchirement. Ce qu'elle perd en quittant Saint-Sauveur, c'est cette maison qu'elle aime tant, son jardin, sa nature environnante, et au bord des étangs, dans les forêts de Saint-Sauveur, elle a développé une grande sensibilité vis-à-vis de la nature et plus spécialement de la faune. Elle connaît bien sûr le nom des fleurs, mais surtout elle sait tout des petits animaux. Elle connaît son paysage, chaque centimètre du sentier de terre de Saint-Sauveur. Elle connaît ça par cœur. Vous n'imaginez pas quelle reine de la terre je pouvais être à 12 ans, écrira-t-elle. Solide, la voix rude, deux tresses trop serrées qui sifflaient autour de moi comme des mèches de fouet, les mains roussies, griffées, marquées de cicatrices, un front carré comme un garçon. Ah, vous m'auriez aimé quand j'avais 12 ans, et comme je me regrette. C'est tellement joli ça. Quelle douceur j'ai pu goûter à une telle absence de vocation littéraire. Mon enfance, ma libre adolescence, toutes deux préservées du souci de m'exprimer, furent toutes deux occupés uniquement à diriger leurs subtiles antennes vers ceux qui se contemplent, s'écoutent, se palpent et se respirent. Ceux qui se contemplent, s'écoutent, se palpent et se respirent. Désert limité, écrit Colette, et sans péril, empreinte sur la neige de l'oiseau et du lièvre, étant couvert de glace ou voilé de chaudes brumes d'été, assurément, vous me donnâtes autant de joie que j'en pouvais contenir. C'est dans le journal Arbour, ça. Quitter mes étangs, écrira-t-elle un autre moment, leur profonde odeur de joncs et de vernes, leur brume délimitée, les sources secrètes qui les abreuvent, j'en dépéris plus d'une année. Ça a été dur pour elle. Elle était déjà une adolescente, une grande adolescente, mais ça a été... En plus, il y a l'humiliation, bien entendu, de la ruine, de la vente du mobilier, hein, vente à la vendue, comme on disait, vente publique, un mobilier que les Colettes ne peuvent emporter dans leur nouvelle maison. Et à Châtillon-sur-Loing, où la famille s'est installée, les frères de Colette vont devoir travailler, bien sûr. Achille va devenir médecin, tandis que Léopold Jean, son autre frère, parvient à être employé chez un notaire. Quant à Colette, eh bien, pour tromper son ennui, elle accompagne son frère Achille, sur les routes, à la rencontre des patients. Ça, c'est très intéressant parce qu'évidemment, c'est pour elle un extraordinaire poste d'observation, bien entendu. En janvier 1892, elle va croiser à Châtillon un certain Henri Gauthier-Villard. Henri Gauthier-Villard, c'est le fameux Willy, c'est son nom de plume. Et ce célèbre auteur est là pour mettre en nourrice son jeune fils de 28 mois. C'était comme ça qu'on procédait à l'époque, on mettait les enfants en nourrice comme ça à la campagne. Sido n'a qu'une envie, marier sa fille Colette avec cet homme qui est un monsieur reconnu, bien entendu, un des plus en vue dans les milieux littéraires, musicaux et journalistiques parisiens. Il est lui-même le fils aîné de Jean Gauthier-Villard, qui a dirigé la maison d'édition Gauthier-Villard à Paris. Donc c'est tout ce qu'il y a de plus lancé. Comment la jeune Colette, cette petite provinciale toute pauvre, déclassée on peut même dire, et sans relation, comment va-t-elle parvenir à séduire cet homme? D'abord par sa jeunesse, par sa beauté ravageuse, imaginez des yeux clairs, avec un regard perçant fabuleux, de longs cheveux dorés, séparés en deux immenses nattes qui lui descendent jusqu'aux cuisses. Le père de Colette, le capitaine Jules, a probablement été un ancien camarade de promo du père de Willy. Bref, tout ça crée des liens. Jules Colette rend visite à Gauthier-Villard dans sa maison d'édition à Paris, parfois accompagné de la toute jeune fille, qui évidemment est assez ébloui peut-être par le mode de vie de Willy. Et par la suite, on a fait parfois de Willy, vous savez, cette espèce de satire, cet odieux personnage qui aurait perverti Colette. Excusez-moi, mais je crois qu'elle n'avait pas besoin de Willy pour la pervertir. En réalité, la jeune fille, disons-le, a d'abord été charmée par ce monsieur qui était, c'est vrai, petit et bedonnant, mais qui avait sans doute quelque chose dans le regard, qui avait cette voix extraordinaire, qui avait du l'humour et qui surtout était encore une fois un homme mûr qui savait tout et qui pouvait tout lui montrer, lui apprendre. Colette va l'épouser. Ça paraît étonnant, mais c'est ainsi. Elle l'épouse en mai 1893, mariage à Châtillon-sur-Loing. On essaie quand même d'éviter la foule parisienne, bien entendu. Mariage à l'église Saint-Pierre de Châtillon. Pas beaucoup de monde dans l'église. La famille Gauthier-Villard ne s'est bien sûr pas déplacée. Colette et Willy vont s'installer à Paris. Où vont-ils s'installer? Dans le seul endroit qui compte, bien entendu. Après tout, elle n'a quand même pas épousé Willy pour rien. Il s'installe à Saint-Germain-des-Prés, rue Jacob. Colette quitte donc sa campagne pour la première fois et la voilà propulsée au cœur même de la ville et au cœur d'une vie nouvelle. C'est pour elle l'entrée dans le milieu littéraire et artistique parisien. Comment cette jeune paysanne va-t-elle s'adapter à ce Paris de la belle époque ? Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Colette. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission, poser toutes vos questions à Franck Ferrand et son invité Macha Merrill. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Au cœur de l'histoire ou Twitter avec le hashtag ACDH. La suite d'Au cœur de l'histoire, c'est dans un instant. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Europe 1, Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la marche, le Piccadilly de Satie sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Colette cet après-midi. Alors, vous nous avez fait revivre son enfance, sa rencontre avec son époux Henri Gauthier-Villard. Ça y est, elle l'a épousée, elle a quitté sa campagne, elle s'est installée à Saint-Germain-des-Prés. Et oui, et comment Colette va-t-elle se faire à la grande ville, au bien ? Très bien, pour tout vous dire, elle prend très vite ses marques, elle est à l'aise, elle s'amuse tout simplement et elle amuse les autres. Il faut vous dire que je vous ai parlé de sa beauté évidente, mais il y a aussi cette sensibilité exquise qui l'a fait adopter très facilement par ceux qui la côtoient. Alors, dans l'appartement de la rue Jacob, Willy et sa jeune, très jeune épouse reçoivent des amis, Paul Masson, Marcel Schwob et son épouse Marguerite Moreno, dont Colette devient proche. Très proche. Et chaque mercredi, on est reçu à dîner chez Madame Armande Caillavet, s'il vous plaît. Alors là, on fréquente le grand monde, hein. Marcel Proust, Anna de Noailles, Robert de Montesquieu, Lucien Guitry et son jeune fils Sacha et Sarah Bernard, etc. Et le vendredi, on dîne chez Madame de Saint-Marceau, où on côtoie cette fois les musiciens. Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Claude Debussy. Enfin, c'est, vous voyez, c'est la grande vie, la fameuse vie parisienne. Et dès le début de cette vie commune, Willy associe Colette à son travail. Elle devient sa collaboratrice, officiellement sa copiste, puis secrétaire, puis petit à petit, ils se mettent à écrire ensemble, bien entendu. Colette signe même, dès janvier 95, des articles sous son nom d'épouse, Colette Gauthier-Villard, dans le journal La Cocarde, qui appartient à l'époque à Maurice Barrès. Dès ses premiers écrits, transpire un humour assez particulier, un petit peu grinçant, quelque chose de mordant chez la jeune Colette. « Il m'est arrivé de m'ennuyer au théâtre, écrit-elle par exemple, pendant un acte, même pendant deux actes, rarement pendant trois actes, parce qu'à l'ennui, je préférais la fuite. Mais je ne me souviens pas de m'être ennuyée pendant les entr'actes », ajoute-t-elle. Colette s'épanouit littéralement dans cette vie nouvelle jusqu'au jour où elle reçoit une lettre anonyme. Oh, ça c'est un grand classique, il n'y a pas qu'à la belle époque, mais enfin, c'est notamment le cas, on est à l'époque de Feydeau aussi, vous savez. Et elle reçoit une lettre qui lui annonce l'infidélité de son époux. Elle n'a que 20 ans, vous imaginez, et c'est ce vieux monsieur qui, enfin ce vieux monsieur j'exagère, mais enfin, cet homme qui pourrait être son père et qui est infidèle. Elle le vit mal, elle tombe malade, et c'est vrai que Willy est un véritable coureur. Son attirance pour les jeunes, très jeunes femmes est insurmontable. Alors on pourrait un nombre de maîtresses, hein, Louise Willy évidemment, Charlotte Quinceler, Marcel Rossa, on pourrait en faire toute une liste. Il y a une lettre de Willy à son secrétaire Paul Barlet qui nous donne à peu près, qui nous livre son état d'esprit. « Les affaires de cœur vont bien, dit-il, presque trop. Je viens de passer 2 jours absolument exquis. Et si tu savais comme ça ne m'empêche pas tout au contraire d'aimer ma Colette de toute mon âme. D'ailleurs, je ne vois pas bien ce qui pourrait m'empêcher d'aimer ma petite gosse. » 1 an après leur mariage, Willy conseille à Colette de narrer ses souvenirs de l'école primaire. Alors elle se met au travail, elle se documente, elle revient sur les lieux de ses premières années d'école. Hein. Elle revient à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est la première fois qu'elle va écrire un véritable roman. Et lorsqu'elle estime que son livre est bien, qu'il a trouvé sa forme, qu'il est terminé, elle le remet fièrement à son mari. Alors elle se dit que Willy va l'embrasser, dire « Bravo ma Colette, tu viens de... » Il parcourt quelques pages, il dit « Ah, je m'étais trompé, ça ne peut servir à rien » et il range le texte au fond d'un tiroir. Ce n'est que quelques années plus tard, en retombant sur ce manuscrit, que Willy, dit-on, se serait aperçu de son erreur. « Nom de Dieu, mais je suis qu'un con » aurait-il dit. Colette raconte dans « Mes apprentissages », il rafla en désordre les cahiers, sauta sur son chapeau à bord plat, couru chez un auditeur. Et voilà comment je suis devenu écrivain. Willy fait publier Claudine à l'école. Mais le livre n'est pas signé Colette, dites donc. Non, non, le livre est signé Willy. Le roman se déroule à Montigny, donc à Saint-Sauveur en vérité. Vont suivre 3 autres livres très célèbres, hein, c'est toute la série des Claudine, bien entendu. Une série qui a un tel succès à l'époque que ça devient quasiment ce qu'on pourrait appeler un phénomène de société. Vous savez, on parle d'école Claudine. Ah oui, eh ben oui. Ça vient de là, figurez-vous. Hein, c'est le petit col écolier du personnage de Colette. C'est dans ses souvenirs d'enfance, c'est dans cette enfance tellement heureuse et tellement riche et colorée que Colette a puisé pour écrire cette série. Elle continuera de puiser. Après la publication de Claudine à l'école, elle va arriver à se dégager un petit peu de la tutelle de Willy. Elle finira par se séparer de lui quelques années plus tard. Dans ses écrits, on retrouve souvent cette quête perpétuelle d'absolu, ce désir tout simplement de retrouver le paradis perdu d'une enfance qui sans doute a été tellement heureuse. Le paradis a été perdu, un certain nombre des émotions ont été abîmées incontestablement, mais la force, mais l'énergie de Colette sont restées et désormais ni cette force ni cette énergie ne la quitteront plus. Cher Macha, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous parler de Colette. Ah, je la connais bien, vous savez, parce que comme je l'ai interprétée dans cette série, qui était peut-être la meilleure qu'on ait jamais faite sur elle, parce que c'était justement tous les visages de cette femme. Des différents aspects. De 25 ans à 73 ans à sa mort. Et c'est intéressant de voir une femme évoluer comme ça et les différents visages qu'elle a eus. Évoluer et rester la même d'une certaine manière. Alors justement, on va revenir à l'enfance parce que c'est vraiment l'enfance qui l'a marquée. Sa mère, non seulement la couverte d'amour, mais lui a appris le français. Tout le vocabulaire qu'elle a connu, découvert, c'est sa mère qui le lui a appris. C'est Sido. Et Sido aussi avait une règle, il fallait lire. Lire n'importe quoi, même le catalogue des Dames de France, qui était le magasin où on achetait des robes. Mais il fallait lire tous les jours. Et Sido lui achetait des bouquins. C'est ça qu'elle dépensait beaucoup d'argent. On commandait déjà, comme pas sur Internet, mais on commandait par correspondance, des livres. Et Colette a lu depuis l'âge de 5 ans, 6 ans. Elle a lu constamment. Ce que vous venez d'entendre là, c'est un petit aperçu de tout ce que Macha Merrill a à nous raconter sur Colette. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire de Colette. Nous irons d'ailleurs avant 15h, hein, rester avec nous à la découverte de sa Bourgogne natale à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et pour parler de Colette, vous recevez aujourd'hui la comédienne Macha Merrill, Franck, qui est aussi l'auteur dans Tête à tête avec Colette, paru chez Grund. Oui, notamment, on peut dire que Macha, vous avez un peu vécu avec Colette, hein, d'une certaine manière, à travers ses textes, à travers sa vie. J'ai tout lu, j'ai tout vu. Et comme elle s'est beaucoup fait photographier, il y avait énormément de photos. C'était d'ailleurs d'ailleurs une des premières qui a inventé la communication. Elle est Cocteau, elle savait qu'il fallait se faire photographier. Il faut dire qu'elle quitte bientôt Willy. Un mot peut-être sur la relation avec Willy. D'abord, avant premièrement, ça, il faut voir que cette petite provinciale, elle ne rêvait que d'une chose, c'est de monter à Paris. C'est ça, oui. Et donc, Willy, c'était une occasion rêvée. Parce que je pense qu'elle l'a aimé. 13 ans, ils ont été ensemble. Hein. Le mariage a duré 13 ans. Et il a été son coach, en quelque sorte. C'est lui qui lui a mis la plume dans les mains. C'était son Pygmalion, on peut le dire. Vraiment. Et je crois qu'il a aussi compris de quelle manière elle pouvait avoir du succès. Et je crois qu'elle était assez sensible à ça, quand même. Elle aimait le succès, elle n'a pas jamais été très riche, mais elle a quand même bien réussi, comme on dit. Elle avait beaucoup d'auditeurs et de lecteurs. On a deux griefs, généralement, qui sont formulés contre Willy. C'est qu'il a signé ses livres. Le premier, c'est qu'il est un peu égrillard, bon voilà. Et le deuxième, c'est que c'est lui qui signe les livres. D'accord. Bon. Bah, au début, il était plus célèbre qu'elle. Incomparablement. C'était du marketing, si je peux dire. Il voulait que les livres sortent dans de bonnes conditions. Et vous savez qu'elle a porté son nom Colette, qui est le nom de famille, n'est-ce pas ? On l'appelait Colette à l'école déjà, mais c'était pas son prénom, elle s'appelait Sidonie Gabriel. Et quand elle a joué Chérie, la première fois qu'elle est montée sur scène, elle avait 50 ans, on lui a dit qu'est-ce qu'on met sur le fronton du théâtre ? Et elle a dit Colette. Et c'est la première fois qu'elle a signé ses livres de son nom. Toute sa vie, elle a signé Willy, de Jouvenel, et Colette, très tardivement. C'est ça qui est étonnant. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour revenir un petit peu sur la maison de Saint-Sauveur, On y viendra tout à l'heure à la maison. On reviendra à Saint-Sauveur et on visitera cette Bourgogne, etc. Et puis on en profitera pour parler des autres maisons de voilà. Colette. Voilà, parce que moi je me suis chargée de ça dans ce livre, bien sûr. De voir les maisons de Colette. Et c'est très intéressant parce que à chaque homme, une nouvelle maison. Alors on va y venir à toutes ces maisons, mais parlons des hommes avant de parler des maisons, si je puis dire. Quand elle quitte Willy, elle mène une vie vraiment très débridée, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas exactement ça. Elle s'est réfugiée chez Missy, qui était donc la duchesse de Morny, madame de... Et qui était la sa marquise maîtresse. De Belbeuf, qui était une... C'était la grande époque du saphisme, n'est-ce pas ? Oui. C'était à la mode. Et elle aimait bien la provocation, Colette. Donc, le saphisme, c'est l'amour entre les dames. L'amour entre femmes, mais c'était presque idéologique, n'est-ce pas ? On remontait aux origines grecques. C'était culturel, très principalement. Et ces dames, qui étaient souvent des femmes célèbres et riches, avait un train de vie. Je crois que Colette, elle aimait bien le confort. Elle aimait bien manger des bonnes choses, boire du bon champagne, du bon vin. Elle l'a toujours très bien décrit dans ses livres. Donc ça lui aurait manqué. Et dans toute cette vie avec Willy, elle a vécu quand même d'une façon assez luxueuse. Donc c'était un chagrin, mais en même temps, c'était l'aventure. Et ce que j'aime, moi, particulièrement chez Colette, c'est que dans toutes ces grandes ruptures, il y a le goût du changement. Elle devient une autre. Avec chaque homme, elle devient une autre. Et c'est ça qui la rend moderne. C'est ça, pour ça que les féministes se sont emparées d'elle à tort, parce qu'elle n'était pas très féministe. Comme exemple, parce que c'est une femme qui a su, comme ça, comme une éponge, elle a pris de tous les hommes qu'elle a connus, elle s'est transformée, mais elle est restée elle-même, et surtout, elle savait qu'elle devait son avenir à son talent et à son talent d'écrivain. Et ça a été quand même la base de tout, c'était l'écriture. Mais c'est vrai que la redécouverte, si je puis dire, de la vie de Colette, lorsqu'on la voit jouer nue, lorsqu'on la voit dans ses pantomimes incroyables... Oui, mais elle l'avait déjà fait en privé dans des petits salons, et puis tout d'un coup c'est devenu public. Et puis vous savez, je vous dis, c'était une époque un peu comme ça. Oui, bien sûr. De libération. C'était pas féministe proprement dit. C'était... Un goût de liberté, ça c'est sûr. Le luxe. Hein. Je vais même jusque là. Je pense que ça faisait partie des privilèges. Et donc, quand elle a fait Rêve d'Égypte toute nue sur scène et que Missy lui a roulé une pelle sur scène, que ça a été un scandale épouvantable, mais elles étaient ravies toutes les deux. Elles se marraient en coulisses, elles étaient contentes. Après ça, Missy a été très grand genre parce qu'elle a compris qu'elle pouvait porter ombrage à la carrière de Colette. Et elle l'a quittée. Elle lui a offert sa maison en Bretagne. Et elle s'est écartée. D'ailleurs, elle est morte peu de temps après, très tragiquement, presque un suicide. Et je pensais que ça a été le grand amour de sa vie. Je pense, oui, je pense. Cette Missy, c'est Mathilde de Morny, hein, voilà, de la duchesse grande famille, de Belbeuf, qui était la petite fille de l'impératrice Joséphine. Donc c'était une grande famille. Hein. Alors Colette a été une des journalistes importantes de la Belle Époque. Oui. Elle travaillait pour le journal Le Matin. Et là, il faut parler d'abord d'Henri de Jouvenel. Alors ça, écoutez. C'était Willy puissance 1000. Ah oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle rencontrait un homme de la grande société, puissant, beau... Qui qui faisait et défaisait les cabinets ministériels. Et voilà, qui s'intéressait à la politique et qui était surtout un homme extrêmement séduisant. Elle était raide amoureuse. Hein. Et je crois quand même qu'elle souhaitait aussi entrer dans la grande société. Parce qu'avec son accent, qui ressemblait beaucoup à un accent russe d'ailleurs, moi, je voulais le faire. C'est le vrai film qu'elle avec, parlait. Oui. Elle parlait comme ça. Et elle arrivait à le perdre. Quand elle était fâchée, alors ça revenait. Mais au fond, elle aurait voulu entrer dans ce monde, dans l'aristocratie. Ça existait encore fortement en France. Bien sûr, il y a le faubourg, comme on disait, oui, bien sûr. Absolument. Elle n'y est pas arrivée. Non, elle est même devenue plutôt un repoussoir pour la très haute société, hein, qui l'a trouvée scandaleuse et infréquentable. Et même dans la famille de Jouvenel, elle s'est mal vue. Hein. Bah, il faut dire que dans la famille de Jouvenel, elle va quand même faire un peu de... Elle va faire scandale. Il faut expliquer cette histoire. Bon, alors, d'abord, elle a eu une très jolie petite fille avec Henri de Jouvenel qu'elle a vite casée à la campagne, elle aussi, et qui n'a pas tellement été élevée par elle. Et puis, un jour, on lui confie le fils en Bretagne, en vacances, qui est Bertrand de Jouvenel. Le tout petit jeune homme. 16 ans, hein, 16 et elle, 53. Ah oui. Et naît un amour fulgurant, un amour, ah oui, un amour, oui, oui. Réciproque. Il a sauté du matin au soir, et elle, à un moment donné, elle lui a même dit, écoute, marie-toi. Elle en avait marre, parce que c'était assez épuisant. À 16, la famille ans, il avait s'est des... aperçue oui. de cet amour. On l'a vite rattrapé par les cheveux, le jeune homme. On l'a marié, effectivement, et c'est resté pour ce Bertrand de Jouvenel. Je crois que je n'offense pas sa mémoire en disant que Colette a été son grand amour. Oui. Et ça a ajouté à ce sentiment de liberté que Colette inspire. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence d'âge, il n'y a que des vrais moments c'est-à-dire importants qu'il faut vivre, il faut y aller. Elle était le petit tendron qu'on marie à un vieux monsieur, mais j'ai envie de dire que c'était relativement fréquent. Il est beaucoup plus rare de voir un tout jeune homme qui devient l'amant d'une dame d'âge respectable. Mais alors, comme elle faisait de l'or avec tout ça, ça lui a inspiré le blé en herbe. Alors, bien sûr. Et chérie. Et finalement, elle a fait, c'est la deuxième partie de sa carrière littéraire, a été fortement inspirée. Elle est devenue par un très grand écrivain. C'est-à-dire que ce qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui, même si Colette reste très présente dans les lettres françaises, c'est qu'elle est devenue une sorte de gourou au tournant de la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'était vraiment devenue la grande dame oui, des lettres. Alors, pour moi, c'était quand même un écrivain du 19e siècle. Elle était, voilà. C'est la grande langue française, et d'ailleurs partout dans le monde. Ce qu'on appelle le grand style. Voilà, dans toutes les écoles du monde où on apprend le français, les dictées, c'est toujours du Colette. Colette, oui, bien sûr. Mais elle n'a pas fait le virage. Et d'ailleurs, elle n'était pas moderne. Elle n'aimait pas beaucoup la musique contemporaine. Elle détestait l'art contemporain, l'abstraction qui commençait. Hein. C'était le début. Elle était même ennemie de l'art contemporain. Elle était très fâchée. Elle n'aimait que le fil figuratif et tout ça. C'est chez elle, elle collectionnait ces horribles sulfures qui sont vraiment des sulfures. Il faut expliquer ce que c'est. Ce sont des presse-papiers en forme de boule avec des couleurs très du vert, de vert, du vert, oui, la pâte de vert. Vous savez comme les trucs italiens là de Vénine, c'est épouvantable. Mais pour tous nos auditeurs qui collectionnent les sulfures, je tiens à dire que ces propos n'engagent que Macha Meryl, bien entendu. Je souligne et je signe. Mais il n'y avait pas d'œuvre d'art chez elle. Il y avait des livres, ça oui. Alors, elle rêvait d'entrer à l'académie. Le papier bleu, parce qu'elle écrivait sur papier bleu. Ça, c'était pour proposer ses yeux. Ça, c'est terrible qu'on ne l'ait pas accueillie à l'Académie française. Oui. Elle avait tout pour y entrer, quand absolument. Même. Sauf qu'elle alors, était une femme. C'était du sexisme pur. Bien c'est parce sûr, qu'on ne faisait pas entrer une femme. Elle est entrée à l'Académie de Belgique. Et puis, à l'Académie Goncourt. Oui, ça a été une vengeance pour elle. À l'Académie Goncourt, elle était la seule femme, mais la première aussi femme. Et surtout, à ce moment-là, elle n'avait plus rien à perdre. C'était, ça y est, elle était le grand écrivain français. Mais quand même, les hommes ont toujours été son sujet principal. Je pense qu'elle a beaucoup aimé les femmes. Il y avait toujours une femme qui traînait quelque part dans ses draps. Une jolie mais, femme. Mais ce sont les hommes qui ont compté. Et après, quand elle a rencontré Goudkette, elle s'est tapée les deux guerres. Hein, parce qu'elle a soutenu... Henri de Jouvenel quand il était à la première guerre, à la première guerre mondiale, et à la deuxième guerre, elle a sorti Goudkette. Qui était juif, lui, hein, il faut le dire. Comme elle avait des relations quand même très courtoises avec les Allemands, elle a réussi à le sauver, il faut voilà. le dire. Alors, il y a des mauvaises langues qui disent que quand même, elle et Cocteau, ils n'ont pas été vraiment des résistants purs et durs. Ils habitaient à Paris, ils continuaient. Ils habitaient au Palais Royal, bien sûr. Très confortablement. Ils allaient au théâtre et voir tous les spectacles avec les Allemands de la grande nature. Même après la Seconde Guerre mondiale, quand on allait se promener dans le quartier du Palais Royal, on montrait la fenêtre, on disait c'est ici qu'habite Madame Colette. C'était devenu un monument d'une certaine manière. Alors, ça, c'est la dernière demeure. C'est le plus beau livre d'ailleurs. Qu'elle a écrit de la fenêtre du Palais Royal, le fanal bleu, magnifique. L'étoile Vesper, toutes les dernières œuvres, c'est admirable, c'est admirable. Alors, ça, c'est la dernière demeure de Colette. Nous allons revenir maintenant sur toutes ces maisons, y compris, bien sûr, vous voyez pourquoi je vous retenais tout à l'heure, y compris celle de Saint-Sauveur en Puisaye. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Note de Satie cet après-midi sur Europe 1 pour évoquer Colette avec votre invitée, la comédienne Macha Merrill, qui a signé En tête à tête avec Colette, que vous pouvez retrouver aux éditions. Je suis en train de le feuilleter, c'est un très joli livre, évidemment, avec illustré ouais. par Philippe Lorrain, qui est un grand aquarelliste et qui sait saisir non seulement l'âme des gens, mais l'âme des lieux. Mais l'époque lui convenait aussi à ce dessinateur, parce qu'il est un aquarelliste justement, et ça correspond à l'esprit de Colette. Et chaque jour, Franck, vous nous proposez de redécouvrir les lieux où l'histoire s'est faite, où elle s'est écrite, pour le cas de Colette. Alors de la Bourgogne à Paris, Saint-Germain-des-Prés, Palais-Royal, Saint-Sauveur-en-Puisaye, nous allons découvrir tous ces endroits. Voilà, alors on va repartir. Bon, l'appartement du Palais-Royal, on en a dit un mot déjà, bien alors, entendu. Deux, hein. Parce qu'elle était d'abord en entresol, oui. Ensuite elle a acheté celui d'au-dessus, et c'était des plafonds assez bas. La maison n'était pas grande. J'ai eu la chance de tourner dedans parce que c'était le moment où c'était en vente. Disponible. Oui. Et Jacques Grange l'a acheté. Exactement. On pensait en faire une fondation. Jacques Lang s'en était occupé un moment, mais c'était trop petit. Il n'y avait pas d'espace. Je vous dis, elle n'était pas riche. Hein. C'était pas des grandes maisons, mais il y avait ces fenêtres extraordinaires qui donnaient sur le Palais Royal. Alors ça, c'était l'appartement, c'est la maison de ville, si je puis dire, c'est l'appartement. Mmh. Mais il y avait surtout le goût de Colette pour les paysages et pour les maisons. Personne n'a mieux décrit l'atmosphère des maisons qu'elle n'a pu le faire. Vous parliez tout à l'heure de Maurice Goudquet. Elle a vécu avec lui à Saint-Tropez. À la Trémuscate, hein, qui est maintenant d'ailleurs ouverte au public. Bien sûr. Et alors ça, c'est aussi une petite maison, un petit mât, pas tellement extraordinaire. Bourrée de belles plantes et de fleurs. Elle adorait les fleurs. Et des odeurs. Hein. Et ce qui est formidable, c'est que tous ces lieux qu'elle a où elle a vécu, ils sont beaucoup mieux dans ses récits que dans la réalité. C'est vrai, on est oui. toujours un petit peu déçu, c'est vrai. Oui. Et par exemple, la maison natale, Saint-Sauveur, oui. c'est une toute petite baraque. Oui, c'est une maison alors très c'est très simple, bien oui. qu'on l'ait retapé, reconçu et remis. Il faut dire qu'elle a quand même beaucoup vécu à l'hôtel aussi, comme tous ces grands personnages. Elle a vécu au Claridge oui, voilà, pendant dans presque plusieurs trois ans. Palaces, en fait. Absolument. Oui, bien sûr. Elle vivait aussi pas mal à Monaco, elle allait beaucoup. Elle disait que Monaco était le seul pays dont les frontières étaient des fleurs. C'est joliment dit, ça. Quand on va, vous savez ça mieux que moi, cher Macha, quand nous allons au salon du livre de Brive, mais il y a d'autres raisons pour aller à Brive, mais enfin nous y allons essentiellement pour le salon service. Du livre, on réside généralement dans un hôtel qui a été la maison des Jouvenel. Absolument. Et qui donc a été la demeure de Colette. Castelnovel. Et qui est un joli manoir, un peu 19e, comme ça, des poivrières. Pas oui. tellement extraordinaire, mais pour elle, c'était vraiment une promotion pour Colette. Hein. Tout d'un coup, elle était châtelaine, elle était au milieu dans une vraie propriété. Elle avait aimé la Bretagne aussi. Cette Bretagne a été très importante dans sa vie, parce que c'était la pêche à la crevette, et là aussi, les paysages, la mer, et puis c'était ce cadeau que lui a fait Missy. La maison est un peu abandonnée maintenant, et j'espère que la municipalité va s'en occuper, va en faire un musée. Et elle allait y passer vraiment toutes ses vacances d'été, en fait. Hein, chaque année. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui, cette année de 1910 à 1924. Elle allait, quand elle faisait ses grands voyages de journaliste, parce qu'elle a été une journaliste extraordinaire, au Maroc, en Amérique. Chaque fois, elle avait une façon de repérer les paysages et de s'attacher justement aux couleurs, aux différents endroits. Et toujours aussi lié à la nourriture, hein, parce que c'était quand même une grande gourmande. Je pense d'ailleurs, vous savez, chacun a une façon de se détruire parce qu'on a trop d'énergie ou trop de talent. Je pense que Marguerite Duras s'est tuée avec l'alcool. Et Colette, c'est avec la nourriture. Ah oui, c'est quand même étrange. Avec le gras. Elle mangeait quand elle gras. Était, attendez, arthrose déformante. Mais comment il aurait fallu qu'elle soit au régime tout le temps. Elle descendait en bas au Grand Véfour. On la descendait quelquefois par la fenêtre, vous savez, en chaise, parce qu'elle ne pouvait plus marcher. Et elle avait sa table au Grand Véfour et elle mangeait des cochonailles et du navarin, des choses très grasses et des très bons vins toujours. Mais bon, c'est ça, venait de la Bourgogne quand même. Ça venait en fait, de cette mais, racine. Mais d'où venait cette espèce de sentiment, de ce besoin d'autodestruction d'une certaine façon, de manger gras comme ça toujours. Je pense que vous savez, ces êtres un peu à part, un peu exceptionnels, qui savent qu'ils sont détenteurs d'un talent un peu hors du commun. Par moments, ça déborde, ça les dérange, ça explose. Donc il faut trouver un antidote, il faut trouver quelque chose pour contenir tout ça. Et je le crois sincèrement, chacun à sa façon. Alors il y en a qui font de la gymnastique à outrance, il y en a d'autres qui vont faire de la varappe. Ça c'était pour Cici. voilà, le cheval à outrance. Ouais. Elle, c'était la nourriture. Oui. Bon, j'ai sous les yeux les toits de Saint-Sauveur en Puisaye dessinés par Philippe Lorrain. C'est magnifique. C'est une symphonie de grisailles sublimes. C'est pas très très beau ce coin-là de la Bourgogne. C'est pas le plus joli. Mais enfin, le petit village là est ravissant. Et puisqu'elle en a fait, elle est sublime. Ah ben, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. .com. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Colette a vécu à Saint-Germain-des-Prés, on en a parlé, à Paris. Elle a eu deux appartements que Macha Meryl vient de vous faire visiter en face du Palais Royal. Mais elle est surtout née en Bourgogne et c'est cette partie-là de sa vie à laquelle on va s'intéresser maintenant avec vous, Franck. Exactement, cette maison natale de Saint-Sauveur en Puisaye. La maison était grande, écrit Colette dans la maison de Claudine, coiffée d'un grenier haut, une maison bourgeoise d'un vieux village. Mais la roide pente de la rue bousculait un peu sa gravité et son perron boitait avec 6 marches d'un côté et 10 de l'autre. Grande maison grave, revêche, avec sa porte à clocher d'orphelinat, son entrée cochère à gros verrous de geôle ancienne, une maison qui ne souriait qu'à son jardin. Son revers, doré par le soleil, invisible aux passants, portait manteau de glycine et de bigonier mêlé qui ombrageait une petite terrasse d'allée et le seuil du salon. Maison et jardin vivent encore, je le sais, mais qu'importe si la magie les a quittés, si le secret est perdu, qui ouvrait lumière, odeur, harmonie d'arbres et d'oiseaux, murmure de voix humaines qui a déjà suspendu la mort, un monde dont j'ai cessé d'être digne. Nous sommes au téléphone avec Frédéric Maget, qui est le directeur de la maison de Colette. Bonjour Frédéric Maget. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez beaucoup fait pour cette maison, parce qu'il faut dire que vous êtes aussi non seulement directeur de la maison elle-même, mais vous êtes le président de la Société des Amis de Colette, qui a racheté la maison et l'a rénovée. Oui, c'est le résultat d'une longue mobilisation qui a commencé en 2010 et qui s'est prolongée avec beaucoup de soutien, beaucoup de lecteurs, lectrices qui, en France et dans le monde entier, oui, Macha Meryl, que j'ai le plaisir d'écouter, et qui nous ont permis de racheter la maison au mois de septembre 2011, et puis au bout de donc 4 ans de travaux, de l'ouvrir maintenant au public, puisqu'elle a ouvert ses portes le 25 mai cette année. Alors qu'est-ce qu'on y voit dans cette maison? Vous pouvez nous la décrire en deux mots, alors pas avec les termes de Colette, bien entendu, mais elle est restée telle que la petite l'a connue? Alors maintenant, elle est, je pense, assez conforme à ce qu'elle était du temps de Colette. Elle est redevenue conforme, voilà c'est ça. Exactement. La chance qu'on avait, c'était d'une part que les lieux n'avaient pas été modifiés par les propriétaires successifs, et d'autre part que Colette, ayant fait cette maison un personnage principal, central de son œuvre, elle lui a consacré des centaines de pages. C'est pas vraiment d'équivalent dans la littérature d'un auteur qui est consacré autant de pages, autant d'énergie créatrice à recomposer un lieu. Eh bien, elle nous a livré une sorte de mode d'emploi. Elle décrivait la couleur des papiers peints, la couleur des rideaux, le nombre de fauteuils, la forme des objets. Ce sont tous ces détails qui, avec les traces retrouvées sur place, nous ont permis de reconstituer le décor de l'enfance le plus fidèlement possible, puisque les visiteurs en fait rentrent dans la maison comme si Colette leur avait lancé une invitation. Pas de frontières, pas de barrières, pas de fil. On rentre vraiment chez les Colette. Donc vous rentrez dans le salon où la table est mise, la salle à manger où la table est mise, salon avec les fauteuils en Repsevere du capitaine, son fauteuil syrien, la suspension en opaline verte. Voilà, tous les détails sont là. Et puis le jardin derrière. Les jardins, vous avez raison. Oui, il y a l'autre, le petit, oui, bien sûr. Oui. Et ces jardins ont fait l'objet d'un travail de reconstitution tout à fait passionnant par un architecte paysagiste, Françoise Figpal. Là encore, on est reparti de tous les textes de Colette. On a retrouvé les plantes, les arbres, les arbustes décrits par Colette. On a utilisé les mêmes essences, les mêmes techniques de plantation, 60 rosiers anciens, 700 bulbes, 600 plantes, toutes ces plantes décrites par Colette. Et c'est vraiment un jardin tout à fait extraordinaire. Et on peut comprendre que Colette ait reçu là des leçons de vie absolument extraordinaires et qu'elle ait garder une image à vie hein, de ce décor d'enfance. Alors pour les plus passionnés, il y a un centre d'études Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, hein, où l'on trouve un nombre incroyable de documents, des lettres, des manuscrits, etc. On peut creuser la question, si je puis dire. Et puis, n'oublions pas le Festival international des écrits de femmes qui s'est tenu là le week-end dernier, hein, si je ne m'abuse. C'était le week-end dernier, oui. C'est le premier festival en Europe qui est consacré aux femmes avec la volonté de valoriser leur place, leur présence dans notre histoire. Il y a plusieurs festivals dans l'année comme ça qui partent en fait d'un aspect de la vie de Colette, donc il y a le festival des écrits de femmes, il y a un festival de musique qui s'appelle Comme ça me chante, qui s'intéresse aux compositeurs avec lesquels Colette a travaillé, qu'elle a connu, dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y aura l'année prochaine un troisième festival qui s'appelle les Journées du goût, qui sont un festival consacré aux enfants avec leurs parents, avec des ateliers culinaires et littéraires. Là encore, on comprend le lien avec Colette. Quelle efflorescence, c'est magnifique. Merci beaucoup Frédéric Maget de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour Colette et sa maison. Et puis, il faudrait bien sûr avoir le temps de se promener autour dans cette Puisaye, hein, pays des eaux mortes et des grands bois, disait Colette, dans cette Puisaye. Et puis tout autour, il faut aller à Vézelay, bien entendu sublime, dans le Morvan où je serai moi-même ce week-end, pour tout vous dire. Que tout ça, c'est magnifique bien sûr, avec toutes ces petites villes médiévales, ce vignoble de Chablis sublime. J'ai une question à vous poser, c'est la toute dernière, cher Macha. J'aimerais savoir ce que vous devez à Colette, d'une façon précise. Vous savez, souvent quand des jeunes me demandent comment vous avez décidé d'être comédienne et qu'est-ce qui vous a poussé, parce que vraiment, on est angoissé quand on est jeune, qu'est-ce qu'on doit faire de sa vie. Et je pense qu'il y a des passeurs, il y a des gens qui vous montre le chemin. Et c'est pas forcément les parents, c'est pas forcément des professeurs, ça peut être un livre. Et là, pour moi, Colette, ça a été l'ouverture de l'écriture. Quand je tournais déguisée en elle, habillée en elle, j'ai senti sa présence qui me disait, ma fille, ça y est, il faut que tu y ailles, il faut que tu écrives. Rien que pour ça, on ne peut que la remercier. Merci infiniment, cher Macha. Votre tête-à-tête avec Colette, illustrée brillamment par Philippe Lorrain, est édité chez Grund.